L'Anachorète, parabole de saint Jérôme. Un homme, animé d'une ardente ferveur religieuse, s'était retiré loin des villes, loin des hommes, dans une grotte solitaire de la Thébaïde, pour s'y consacrer tout entière à l'œuvre de son salut. Il jeûnait, priait, se mortifiait, et sa pensée était constamment tournée vers Dieu. Quand il eut ainsi passé de longues, longues années, un soir l'idée lui vint qu'il avait mérité une glorieuse place dans le paradis et pouvait être mis au rang des plus grands saints. La nuit suivante, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Il y a de par le monde un humble ménétrier qui va de porte en porte, jouant de la viole et chantant, et qui a mieux mérité que toi les récompenses éternelles. » L'Anachorète, étonné de ces paroles, se lève, prend son bâton de voyage, s'en va à la recherche de ce musicien, et l'ayant trouvé, lui dit « Frère, apprends-moi quelles bonnes œuvres tu as faites, et par quelles prières et par quelles pénitences tu t'es rendu agréable à Dieu. » « Moi ? » répondit le ménétrier en baissant la tête. « Saint-Père, ne te moque pas de moi. Je n'ai point fait de bonnes œuvres, et je ne sais guère prier, pauvre pécheur que je suis. Je vais seulement de maison en maison amuser les gens avec ma viole. » L'austère ermite pourtant insiste et dit « Je suis sûr que dans ta vagabonde existence, tu auras pourtant accompli quelque acte de vertu. Non, en vérité, je n'en pourrais citer un seul. Mais comment es-tu réduit à cet état de mendicité? As-tu vécu follement comme les gens de ta profession? As-tu dissipé en de frivoles fantaisies l'héritage de tes pères et les produits de ton métier? Non. Mais un jour, j'ai rencontré une pauvre femme abandonnée, dont le mari et les enfants étaient condamnés à l'esclavage pour acquitter une dette. Cette femme était jeune et belle, et les enfants de Bélial cherchaient à la séduire. Je lui ai donné un asile dans ma demeure. Je l'ai protégée dans son péril. Je lui ai livré tout ce que je possédais pour racheter sa famille. Et je l'ai reconduite dans la ville où elle devait rejoindre son mari et ses enfants. Mais quel homme n'en aurait fait autant? À ces mots, le religieux de la Thébaïde pleura et s'écria « Dans mes 70 années de solitude, je n'ai pas fait une si bonne œuvre, et cependant je m'appelle l'homme de Dieu, et toi tu n'es qu'un pauvre ménétrier. »